Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des Rois, chapitre 3. Or Joram, fils d'Akab, régna sur Israël, dans Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Et il régna 12 ans. Et il fit le mal devant le Seigneur, mais non comme son père et sa mère, car il détruisit les statues de Baal qu'avait faites son père. Cependant, il resta attaché au péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en éloigna point. Or Messa, fils de Moab, nourrissait des troupeaux nombreux, et payait au roi d'Israël 100 000 agneaux et 100 000 béniers avec leur toison. Mais lorsqu'Akab fut mort, il rompit le traité qu'il avait fait avec le roi d'Israël. Le roi Joram sortit donc en ce jour-là de Samarie, et il recensa tout Israël. Et il envoya à Josaphat, roi de Juda, disant, « Le roi de Moab s'est retiré de moi. Venez avec moi pour combattre contre lui. » Josaphat répondit, « Je monterai. Qui est à moi est à vous. Mon peuple est votre peuple et mes chevaux vos chevaux. » Il ajouta, « Par quel chemin monterons-nous ? » Et Joram répondit, « Par le désert d'Idumée. » Le roi d'Israël et le roi de Juda et le roi d'Édom marchèrent donc, et ils firent des circuits dans le chemin durant 7 jours. Et il n'y avait point d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, hélas, hélas ! Le Seigneur nous a assemblés 3 rois pour nous livrer entre les mains de Moab. » Et Josaphat demanda, « Y a-t-il ici un prophète du Seigneur, afin que nous implorions le Seigneur par lui ?» Et un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Saphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole du Seigneur est en lui. » Et le roi d'Israël descendit vers lui, ainsi que Josaphat, roi de Juda, et le roi d'Édom. Or Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'importe à moi et à vous ? Allez au prophète de votre père et de votre mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Pourquoi le Seigneur a-t-il assemblé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Joab ?» Et Élisée lui dit, « Il vit le Seigneur des armées en la présence duquel je suis. Si je ne respectais la personne de Josaphat, roi de Juda, je n'aurais pas même fait attention à vous, et je ne vous aurais pas regardé. Mais maintenant, amenez-moi un joueur de psalterion. » Et pendant que le joueur de psalterion chantait, la main du Seigneur fut sur Élisée. Et il dit, « Voici ce que dit le Seigneur. Faites du lit de ce torrent des fosses et des fosses. Car voici ce que dit le Seigneur, vous ne verrez pas de vent, ni de pluie, et ce lit sera rempli d'eau, et vous boirez, vous et vos familles et vos bêtes. Et ceci est peu aux yeux du Seigneur. De plus, il livrera les Moabites entre vos mains, et vous attaquerez vivement toute cité fortifiée, toute ville importante. Vous couperez par le pied tout arbre fruité, vous boucherez toutes les sources d'eau, et tout champ le plus fertile, vous le couvrirez de pierres. » Il arriva donc le matin, quand on a coutume d'offrir le sacrifice, que des eaux venaient sur la voie d'Édom, et la terre fut remplie d'eau. Or tous les Moabites, apprenant que les rois étaient montés pour combattre contre eux, convoquèrent tous ceux qui étaient saints par-dessus d'un baudrier, et ils se tinrent sur les frontières. Et se levant de grand matin, et le soleil paraissant déjà vis-à-vis des eaux, les Moabites virent à l'opposite les eaux rouges comme le sang. Et ils dirent, c'est le sang du glaive. Les rois se sont battus l'un contre l'autre et ils se sont taillés en pièces mutuellement. Maintenant, va au butin, Moab. Et ils marchèrent vers le camp d'Israël. Mais Israël, se levant, battit Moab. Et Moab s'enfuit devant Israël. Ils vinrent donc ceux qui avaient vaincu et ils battirent Moab. Ils détruisirent les villes et, jetant chacun leurs pierres, ils remplirent tout champ le plus fertile. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, coupèrent par le pied tous les arbres fruitiers, en sorte qu'il ne resta que les murailles faites d'argile. La ville fut investie par les frondeurs et en grande partie abattue. Lorsque le roi de Moab eut vu cela, c'est-à-dire que les ennemis avaient prévalu, il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée, pour qu'ils se jetassent sur le roi d'Édom, mais ils ne le purent pas. Et alors, saisissant son fils le premier-né, qui devait régner après lui, il l'offrit en holocauste sur le mur. Et il y eut une grande indignation parmi les enfants d'Israël.